18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour et bienvenue dans votre émission Convergence. Aujourd'hui, on reçoit un membre de l'équipe et il se prénomme Monsieur Cranino. Donc c'est un acteur de votre émission. On le retrouve de l'autre côté pour vous faire découvrir donc, tout son univers. Donc il a été bercé par l'univers funk disco. Il succombe tout naturellement à l'explosion de la scène house française avec des artistes comme Charles Schilling, Jack de Marseille, les Funky Data, les Kojak, mais aussi les sons techno, venus de Chicago, Détroit et Berlin. Ces sets, ils oscillent entre nu disco jusqu'à la tech house, mais toujours en gardant ce fil conducteur de la tradition house. En 2015, il a créé avec moi-même le projet collectif We Play Vinyl, qui consiste, je vous le rappelle, à mettre en avant les labels et les producteurs locaux et d'apporter un aspect ludique avec l'initiation au mix sur vinyle. Également dans l'équipe de Convergence, Sylvain développe la partie événementielle et son objectif est de vous faire danser tout en recherchant des sonorités spéciales et innovantes. Comment il va, monsieur ? Bah écoute, ça va pas mal. Et toi ? Ça me fait bizarre d'être interviewé par toi. Yes, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours, comment tu es arrivé à la musique ? Bah écoute, t'en as déjà dit pas mal. C'est vrai que moi j'ai commencé la musique tout gamin avec... plutôt sur du classique avec une école de musique où j'ai appris le solfège, yes. J'ai fait du sax et un peu d'autres instruments. D'accord. Puis après, avec l'adolescence, j'ai arrêté ça. Et la révélation, ça a été vraiment la musique électronique. Un peu grâce à la radio à l'époque. Ouais. Sur Fun Radio, il y avait des choses bien. C'était Max de Fun Radio qui faisait des émissions sur de la goa, de la trance et ouais, tout ça. Ouais, c'était super tard en plus. Hein. Et ça, ça a été une révélation et, et j'ai vraiment adoré. Donc je me suis mis aux musiques électroniques avec des passages sur des choses un peu plus hard. C'était l'époque des Thunderdome, des choses comme ça. Donc, ouais. Donc des gros sons un peu violents. Ouais, ça tapait vraiment. Voilà, et au fur et à mesure, les goûts se sont un peu élargis et assouplis en termes de rythme, plus sur la house, ouais. Aussi un peu le hip-hop dans les années 90 avec tout ce qui était NTM, IAM, les Wu-Tang sur la partie US, etc. Donc, mais voilà, j'aimais vraiment ces morceaux, il y avait des grosses basses, du beat et tout ça, ce qui était le cas sur NTM, IAM et sur tout ce qui était Wu-Tang, etc. Mais après, vraiment, c'était vraiment la partie house qui me plaisait le plus, avec un peu la techno, avec la découverte aussi de plein d'artistes via Trax Magazine. Ouais. Moi je me suis abonné tout de suite dès les premiers numéros, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a fait découvrir pas mal de variantes dans la musique électronique, donc ça a été une vraie initiation pour moi via Trax et via plein de trucs. Ouais, ils ont toujours une sélection décalée pointue, et ça nous a toujours interloqué et apporté cette curiosité justement. Ouais, ce qui était bien sur les sampleurs de Trax, et je pense que c'est toujours le cas, mais j'achète plus Trax, t'avais vraiment une variété de musique, t'avais aussi bien du Peuple de l'Herbe que des choses comme D-Tron, comme sur le même sampleur, t'avais plein de choses diverses et variées, c'était vraiment cool. Et donc moi, ça m'a fait un peu découvrir pas mal de choses sur la musique électronique. Mais voilà, je reste quand même avec ces choses où il me faut du groove, il me faut un peu d'envie de bouger dessus. Donc comme tu disais, avec des Charles Schilling, des Jack de Marseille aussi, comme à l'époque, les Funky Data, etc. C'était vraiment ce que j'adorais. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire le tri, hein, comme tu disais. Parce que tu avais aussi une petite expérience sur la côté sono, voir un peu ce qui pouvait vraiment te plaire. Ouais. Plus, comme tu le disais, avec ta facette musicien, avec le saxo, comment justement on fait ce choix vraiment décisif où tu dis, tiens, moi je veux plus faire ça. Est-ce que c'est également, parce que je sais que tu as eu plusieurs voyages, est-ce que c'est avec cette éducation que tu t'es construit ? Non, pas forcément. Après, je pense que la musique, c'est comme tu la ressens. Après, ouais, je pense que ça se vit la musique, donc après tes goûts ils évoluent en effet, je pense, avec, avec l'âge, tes goûts évoluent, puis en fonction des périodes de vie tu vas aller sur certains styles de musique ou pas. Mais ouais, moi j'ai toujours adoré la musique électronique plus que les autres styles musicaux, et du coup te dire comment et pourquoi, je sais pas, c'est venu comme ça. D'accord. Et en France, est-ce que tu trouves que justement il y a une belle offre par rapport au reste de l'Europe et à la scène internationale, Je pense que sur la musique culture, on a déjà toujours eu une grosse scène française, donc notamment à l'époque avec la French Touch et tout ça. Ouais. Et je pense que ça continue, et encore plus maintenant où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire de la musique électronique avec, avec tous les logiciels Ableton et compagnie, ce qui était plus difficile avant où tu devais passer sur du hardware, donc acheter des synthés, des choses comme ça, donc c'était réservé quand même à vraiment des passionnés et qui avaient aussi les moyens et le budget pour le faire. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui la musique électronique c'est ouverte. Aussi bien sur la partie production que sur la partie mix, et c'est plutôt pas mal parce que ça permet aussi à des gens de pouvoir se lancer plus facilement. Après, vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'y met aussi, donc pour percer c'est plus difficile je pense, mais voilà, c'est une évolution de la musique qui est intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui l'accès est vraiment plus possible, hein. C'est par rapport aux jeunes qui auraient envie, qui disent tiens moi j'ai envie moi aussi de goûter à ça, éventuellement de me faire ma place. Ça tombe bien parce que je sais que tu nous prépares quelques morceaux qui devraient sortir sur un EP. Est-ce que tu peux nous parler de cette facette de producteur, de ta façon de travailler, ton studio? En fait, je me suis mis à la prod involontairement, je vais dire. Ouais. C'est plus que plutôt le soir que de regarder des choses à la télé qui sont pas forcément intéressantes. Je me mettais sur l'ordi, je faisais des petits tests. Au début, ça commençait avec des petites loops, des choses basiques. Et puis, au fur et à mesure, l'idée de faire des morceaux, mais vraiment pour moi, pour le fun, sans avoir la prétention de signer des morceaux, c'était plus vraiment dans le fun d'essayer de faire des trucs. Mais voilà, de les garder pour moi, et tu étais bien placé pour le savoir, où tu m'as assez dit vas-y, on faut les envoyer, faut s'en servir. Donc on s'en est servi ensemble pour faire nos vidéos et nos bandes son, et au fur et à mesure, d'essayer de faire un peu plus de choses un peu plus concrètes. Et du coup, avec Tony et Pierre qui sont des bons potes à nous, puisqu'on a fait pas les Brothers Inert. On a fait pas mal de choses avec eux. Et du coup, en discutant, en parlant de track, ils m'ont dit envoie-nous des trucs, on va écouter ça. Et puis voilà, donc ils ont aimé certaines tracks. Ouais. Et du coup, il y en a trois déjà qui sortent en mai sur le label Headcut. Ouais. Donc Headcut, qui est un label basé à Ibiza. Big up, bravo. Exactement. Donc c'est cool de faire ça aussi avec les potes. Parce que c'est tout. Moi, j'aime bien aussi. Je travaille beaucoup en affinité avec les potes, etc. Ouais, et puis on partage. Voilà, je suis content que ça se passe avec eux. Et donc il y a trois premiers morceaux qui sortent. Et il en reste d'autres qui devraient sortir un peu plus tard. Donc on lance l'appel au label indépendant. J'ai du stock parce que en 3 ans, il y a pas mal de morceaux. Donc s'il y en a qui en veulent, je peux en envoyer. Donc toi, tu es aussi au niveau de la prod, sur quel style est-ce que restes en house ou La prod est. Alors j'ai fait 2-3 choses en techno, c'était un peu en délire, mais voilà, c'était plus. Mais les vrais morceaux que j'ai finalisés sont plus dans de la house, tech house. Donc il peut y avoir des choses un peu édites, avec des samples disco. Donc sur les choses un peu vraiment de l'édite. Après la majorité sont vraiment sur de la house, avec du vocal, avec de la mélodie, avec de la basse, et puis quelques-unes qui sont un peu plus tech house avec un peu de l'afro, parce que j'aime bien de l'afro, mais avec des idées d'afro sur les percus, pas tellement dans le style afro house tel qu'on connaît, mais avec une inspiration. En termes de afro house, c'est plus quel style? Est-ce qu'on est plus sur du Manu, sur du Black Coffee? Est-ce qu'il y a d'autres artistes? Black Coffee, c'est vrai que j'aime beaucoup tous ces sets. Je regarde souvent ces sets, et c'est vrai que j'aime beaucoup son style, son univers, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est un style musical qui me plaît bien, parce que la musique doit me faire danser. Pour moi, la base du DJ, c'est de faire danser. On est d'accord. Donc on est là pour faire bouger les gens, leur transmettre quelque chose aussi. Mais pour moi, la base de la musique, telle que je la ressens, il faut qu'il y ait du groove. Et c'est vrai que je trouve que dans l'afro house, t'as un groove. Alors parfois qui peut être un peu répétitif, mais t'as cette envie de bouger quand tu écoutes ça. Donc je trouve ça intéressant à en mettre un petit peu dans quelques morceaux. Yes. Avant de te laisser prendre le contrôle des platines, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes projets à l'avenir? Continuer de faire des choses sur la radio Convergence, avec toute la team Convergence, aller sur la partie événementielle. C'est vraiment l'objectif de cette année, de travailler sur ces projets-là. De continuer aussi sur le projet qu'on avait lancé ensemble il y a 6 ans maintenant, qui est WePlayVinyl, de continuer là-dessus. en faisant des initiations et en démocratisant et en laissant un accès facile aux gens pour venir aux initiations, oui, et se rendre compte en fait du métier du DJ, de ce qui se passe, de comment ça marche, avoir un côté ludique et interactif avec les gens, je trouve c'est intéressant. D'accord. Et, voilà. Ok, parfait. Eh bien, on va lancer le premier morceau et puis ben, on va te retrouver derrière les platines. Allez. Eh bien, on te dit à tout de suite. Merci. connected to the now. Floating through time, gravitating towards a warm arm. With an appetite for the emptiness that promises no more. No more uncontrollable eruptions of emotional depression. Because I've been shut my eyes.

myself. Yourself. Going back to the roots of house music. Going back to the roots of house music. going back to the roots of house. House music. I'm feeling something. distraction. There'll be no more distraction. There'll be no more distraction. But after this, vous êtes toujours sur Croc Radio et on remercie Sylvain pour son super set. Vous avez pu déguster toutes ses prods, donc on espère que vous avez apprécié. On va terminer l'émission avec l'agenda. Alors vous retrouverez ce soir du côté de Grenoble, à la Belle Électrique, la soirée Let's Dance 4 avec Jedi Jay et Dan Shake. Donc ça vient tout droit de Vancouver et de Londres pour vous distiller une Deep House House Music un peu dans l'ambiance Moody Man. On revient sur Lyon, vous avez la soirée de clôture du Mirage Festival qui se passera au Sucre et qui verra jouer Laurel Halo et Alexa Alaska. Et donc ce festival il se déroulait aux subsistances toute la semaine et il abordait les questions sur les turbulences écologiques, technologiques et sociétales que nous vivons aujourd'hui. Enfin, vous avez le grand Kerry Chandler qui sera au Petit Salon pour la soirée Welcome Set avec Point de Disco et Sons of House. Et l'after de la soirée Armor Bar Sexy qui se terminera au Terminal après avoir débuté au Lavoir Public. C'est tout pour cette semaine. Ensuite, la semaine prochaine, à partir du 11, la soirée Gravat Tour qui sera au Périscope, qui est organisée par l'association Hatch. On enchaîne avec la soirée Teranga 100% Afro House, hein, qui sera au Terminal avec nos amis Illy et MCK, donc la team Imagine. Vous avez également la soirée Shorb Afrique, l'open air, qui se déroula lors de la nuit nomade à la place Saint-Louis à Lyon. Donc la team Ciel et notre cher PH Neutre ont fait un coucou. Le lendemain, le vendredi 12, vous avez la soirée Diffus au Terminal. Donc nos potes Jacques et Lolo invitent Hang Haoki. Vous avez également la soirée Mini Club au Sucre avec Lucie et Mush. Et une soirée 100% girly, la J-Gang 2, qui sera à l'Ampérage. On retourne à Grenoble avec Miley Cyrus et Marie Priu pour les plus connus. Et on termine avec la soirée XLR Event qui fera venir en live Rainer Zonneveld au Petit Salon. Le lendemain, vous avez le Disquaire Day qui célébrera, donc forcément vous l'aurez compris, la célèbre galette noire du vinyle. Et bah, pour l'illustrer, quoi de mieux que la team We Play Vinyl qui sera au Live Station pour vous faire une initiation au mix vinyle. Donc c'est rue de Bonald à Lyon. Enfin, la soirée Basalt 6. Pour terminer votre soirée, vous pourrez continuer au Terminal et ça sera organisé par Onyx Agency. Et puis pour terminer votre week-end, donc le 14 avril, vous avez la Sunset Society qui se déroulera au Sucre avec entre autres Terence Fixmer qui sera en B2B avec Ancient Methods et votre serviteur Stakan parce que ça sera avec Tunnel Vision. Voilà, Sunset Society et Tunnel Vision. Donc voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette émission qui était dédiée justement à un animateur de votre émission depuis le début de l'année. On vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, les podcasts sont disponibles après le replay sur les réseaux hein, Mixcloud et Spotify. N'hésitez pas à partager. À bientôt. Salut à tous. Au revoir. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.